leader. Elle veut un bad boy. Un gars qui assume au cas où ça démarre comme dans Top Boy. Ici pour mauvais regard, ça finit comme Pop Smoke. Je ferai le tour de ton corps, je serai ton checkpoint. Je veux quitter le hall pour l'Afrique. Fini la misère, plus de problème de fric. Donne-moi juste ton plan de vie. Dis-moi ma chérie, mais pourquoi tu flippes? J'ai le cardio, j'ai la mélo, je viens du Congo. J'ai la benzo, full option, je mets le coco. Elle veut la barre au doigt, elle veut la vie d'Elvira. Elle veut qu'on la protège, elle veut plus se faire avoir. Même si ainsi va la vie, aujourd'hui ça suffit. Faut que le elle fait du bif à la recherche du mini. Tantida, tantida, tantida. Tantida, tantida, tantida. Tantida, tantida, tantida. Tantida, tantida, tantida. Elle aime les carreaux sur le polo, elle dans le carré, ouais. C'est le classico, comme Benzé, c'est la Lulu. Je vais changer ta vie, suis-moi, je vais t'amener loin d'ici. Si c'est les balles qui sifflent, moi jolie, je serai ton parapluie. Pardon maman, faut laisser, dans ton cœur, je vais l'épauler. Ici le temps est compté, comme ma béni, je peux me faire fumer. J'ai le cardio, j'ai la mélo, je viens du Congo. J'ai la benzo, full option, je vais le coco. Elle veut la barre au doigt, elle veut la vie d'Elvira. Elle veut qu'on la protège, elle veut plus se faire avoir. Même si ainsi va la vie, aujourd'hui ça suffit. Faut que le love elle fait du bif à la recherche du mini. Tantida, tantida, tantida. Tantida, tantida, tantida. Tantida, tantida, tantida. Tantida, tantida, tantida. Elle veut la bague au doigt, elle veut la vie d'Elvira. Elle veut qu'on la protège, elle veut plus se faire avoir. Même si ainsi va la vie, aujourd'hui ça suffit. Aujourd'hui ça suffit. Tantida, tantida, tantida. Tantida, tantida, tantida. Tantida, tantida, tantida. Tantida, tantida, tantida. Calage comprimé. Bon courage. Papa Miel, Millésime Musique. C'est bon.